best-of dont on va se marrer. On va se marrer, le best-of. Ah. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Oh là là, à ma droite, un habitué. Oui. Ses blagues sont à la radio ce que le Tipex est au discours de François Hollande. Bob du club. Ah, salut. Bonjour les filles. Non, parce qu'on coupe toutes ces blagues au montage. Oui. Je viens, mais je suis pas là. Il a fait faire fortune à la moitié des orthophonistes de Paris, Maurice. Salut à tous. Tu n'es pas obligé de hurler dans ton micro. Il est saturément. Il imite à la fois Marine et Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. Ouais. Remarque, c'est la même voix. Jérémy. Ah oui. Salut à tous. Les viticulteurs du Gard l'ont choisi comme mascotte 2015, Fabrice. Ouais. T'inquiète pas. On attend son grand retour sur scène, vas-y. On attend son grand retour sur scène, voilà. Ou sous scène, ou aussi dans la scène, grâce à Paris Plage, ah Frédéric Coster. Ce que vous ne savez pas, les garçons, je parle à nos invités, c'est que Philippe connaît très bien le titre de mon futur spectacle. Ah oui. Ah non, je connais pas. Si, ma main dans ta gueule, ah ça oui, va. C'est vrai, L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, ah. Et animée par Philippe Bello. Oh, ça va être excellent, cette émission. Cher Frédéric, cher Philippe, tu as convié à ce traquenard. Oui. Attends, on peut la refaire, vas-y. Cher Frédéric, cher connard, tu as convié à ce traquenard. Oui. Des invités. Oui. Alors, ils sont trois. Mmh. Il y en a un qui est déjà venu. Il était venu il y a quelques temps nous présenter son One Man Show. En 2012. Et un deuxième qui est déjà parti. C'était celui qui était assis à côté de toi. Et Alors, notre invité qu'on connaît déjà, c'est Thibaut Marchand qui est là. Bon, salut. Salut Thibaut. Et il est venu avec deux de ses acolytes. Thibaut, je te laisse, bonsoir d'abord. Oui, bonsoir à tous. Et je te laisse nous présenter tes œufs d'acolytes. Mais alors, il y a Arnaud Laurent. Ah, bravo. Bravo. Bonjour. Donc, pour que les auditeurs se repèrent bien, c'est celui qui a la barbe. Merci. Voilà. C'est le blondinet. C'est le blondinet. Et il y a Clément Filuzzo. Oui. Bon. Ah. Bonjour Clément. C'est son vrai nom. Dans une autre ville, elle a dû être blondinée aussi. Voilà. Mais... Alors, vous allez voir que dans cette émission, il y a un peu de tout. Hein. Ah ouais. Pour ceux, Thibaut connaît, mais vous qui ne connaissez pas les garçons, vous allez voir qu'il y a des tournées de blagues, ah ouais. Il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. La première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car, oui, chers amis, vous formez deux équipes. Donc l'équipe à ma gauche, Frédéric, Thibaut, Arnaud et Clément. L'équipe à ma droite, Bob, Maurice, Jérémy et Fafa, alias Fabrice. Oui. Donc il faut donner un petit nom aux équipes pour que les auditeurs puissent suivre, savoir ce qui se passe. Il y a des points de marqué, etc. Donc il faut un nom pour l'équipe d'en face. Oh. Alors Bob est toujours très productif en termes de nom, hein, je vous préviens. Il n'y a plus qu'à ça qu'il est productif. Moi je les appellerais bien les vieilles mouches. Les vieilles mouches, c'est pas mal. D'accord, moi ça me va. Non, non, soyons réalistes. Pourquoi les vieilles mouches hein? Parce que je viens d'en voir passer une devant Bob. C'est à cause de l'odeur. C'est Jérémy. Jérémy, t'exagères quand même. C'est une honte. C'est une honte. Bah oui, quand même. Je ne peux pas traiter comme ça. Il est dans mon équipe. Bah oui, attends. Et alors Bob, un petit nom gentil quand même. Les pétards. Ah, non, moi pourquoi les pétards? Bah, je sais pas, ils ont des têtes de pétards. Ah bah c'est sympa. Ah, voilà, c'est à cause des cheveux, c'est pas. Il y en a un des trois qui a une tête à avoir fumé des pétards. Parce que comment ils sont avec toi Arnaud parce quand que même. Je sens le shit. Bon alors, c'était toi non, non, les pétards face aux vieilles mouches, voici la première question. Ça va donner. Et donc, c'est la première équipe qui donne la bonne réponse, qui fait marquer le point. Faut pas hésiter à hurler si vous connaissez non, la... Non, quand même pas non plus, mais bon. D'accord. Alors, cas de particulier, le nouvel album de Chris Hadfield. Il n'existe pas. Si. Si. Chris Hadfield. C'est quelqu'un qu'on connaît sous un autre nom ? Non. Il a été enregistré dans l'espace. Ah, parce que vous le connaissez pas. Il a été enregistré dans l'espace. Yes ! Alors là... Mais comment Thibaut Marchand sait-il ça ? Bah écoute, je l'ai lu, honte à moi, sur le site de Jean-Marc Morandini. Voilà, allez, je m'en vais. Moins deux points. Je devrais vérifier les infos du site de Jean-Marc. Je l'ai lu ce matin. C'est vrai ? Oui, effectivement. Je n'ai pas retenu le nom. C'est un des astronautes qui est dans l'espace, dans la base spatiale, l'ISS. et qui fait de la musique. Et du coup, il a enregistré. On n'a pas l'extrait encore, mais effectivement, il vient d'enregistrer un album là-haut et l'album va sortir donc. En gros, avant de venir, il fallait donc lire les news d'internet. Voilà, c'est ça. Merci Thibaut. Merci. C'est le hasard. Je vous rassure, il n'y a qu'une seule question d'actualité. C'est des vieux trucs. Vraiment, je vous le rassure. Il y en a un ici dans cet entourage qui s'intéresse à l'actualité autour de cette table. C'est quand même Maurice. Et notamment, vous parliez d'espace. Maurice peut vous parler d'un extraterrestre. Mes chers amis, parce que je ne vais pas y aller à chaque fois. Je vous ai compris. C'est E.T. Qui est reçu chez sa maman et qui va dîner un soir. Oui. Et sa mère lui dit à la fin du repas, comment t'as trouvé mon repas? Et E.T. lui répond, ils sont extraterrestres. C'est dans. Non, alors là... Elle est bien racontée. Et les garçons, je vous préviens, c'est une de ses meilleures. Ah. Bien assuré pour la manche. Tout ça pour vous dire quand même que Maurice a bien assuré avec cette blague, qu'il nous fait régulièrement et toujours impeccable. Et voici, avec la 20th Century Fox, des nouvelles d'E.T. l'extraterrestre. E.T. est à table, il vient de manger, oui. Oui. Et sa maman lui dit mais non. Sa maman lui dit rien du tout, connasse. C'est lui qui dit quelque chose. Et voici le Muppet Show. C'est coupé. Voilà. Alors Maurice, on va pas coucher là. Alors. Ça m'énerve. On voudrait aller se coucher, hein. On est fatigué. Non, on va aller dîner avant. Qu'est-ce que je veux? Allô. E.T. dîne chez sa petite maman. Miam, miam, miam, et miam. Il lui dit. Extraterrestre. C'était extra. Terrestre. Ah, mais ne la tape pas. Je suis désolé, Steph, de t'avoir. Alors, Maurice, alors, pas le texte. E.T. a dîné chez sa mère et lui dit c'est extraterrestre. Bah, c'est pas mal. Oui, mais c'est pas drôle. Non, évidemment, on a quelques archives. Hein, Ouais, Maurice est une archive. Lui, tout seul. C'est faire pire. Hein. Bon, mais justement, on va voir si vous êtes capable de faire mieux que Maurice. Car juste après cette courte pause, ce sera la première tournée de blagues. Donc restez avec nous, nous revenons avec l'équipe de Bon Anniversaire ou pas. A tout de suite. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. Thibaut, nous, on t'a connu maintenant il y a quelques années, hein, c'était en 2012, tu étais venu nous voir pour ton One Man. C'est ça, One Man qui s'appelait Thibaut. Oui. C'est facile à retenir finalement. Qui a pas mal tourné. Voilà, pas mal de salles à Paris, quelques dates en province. Ouais. Et puis après, il y a eu l'aventure de la pièce. Voilà, quelques festivals d'humour aussi. Ouais. Bon, alors on va parler avec tes deux camarades tout à l'heure. Ah, mais avant, il y a la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Avec une petite mignonne de Fabrice. Bah justement, prénom Fabrice, nom. Bon, si, c'est pas mal. Allez, viens boire un petit coup à la maison. J'ai pas compris, moi. Ne c'est pas grave, bon, on t'en fait pas grave. Jérémy. Alors Doumé retrouve son voisin Marius sur le terrain de boules. Ah. Dis-moi, Marius, t'aimes les femmes qui ont le ventre plein de bourrelets? Oh, bien sûr que non. Et est-ce que tu aimes les femmes avec les seins pendants jusqu'au genou? Oh, peu cher, non, mais tu es fada. C'est à moitié Chirac, à moitié Marseillais. Et les femmes avec une culotte de cheval, est-ce que tu aimes ça? Oh, mais non. Mais alors dis-moi, Marius, pourquoi tu baises ma femme? La blague de Maurice avec son sponsor. Ah oui, sponsor, bien sûr. La blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Mais pas les pieds en avant quand même. Hein. Alors, si, un jour, tu verras. Si. Combien de temps faut-il aux Françaises pour vider leurs poubelles? Ah, un certain temps. 9 mois. Oh, c'est drôle, celle-là. Vas-y, elle était contente. Mais t'as pas découpé ça dans Télé-Z, c'est pas possible. Si, elle est bonne, très bien. C'est devenu hardcore Télé-Z. Ah, hein. On me fait signe que ça sonne dans les studios. Les gens sont à l'appeler pour gueuler hein, quand même. Mais t'as découpé ça dans Rivarol. Ils sont pas habitués à ça. Ouais. Alors, la blague de Bob. Ah oui. Moi, je vais vous raconter une blague. Vous est présentée par les ciseaux coupe-tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Ah oui, chacun sa croix. Donc, je vais vous raconter une histoire qui, normalement, on raconte l'hiver. Ah. Et là, c'est pas grave, on va quand même. Donc, c'est un patron qui rentre. Mais peut-être en hiver. Il rentre à son bureau, donc il traverse la cour. Il y a de la neige partout. Et devant la porte d'entrée, il s'est marqué à l'urine. Le patron est un con. Ah. Alors il rentre, il appelle le DRH. Vous allez me faire une enquête et me trouver qui c'est qui a écrit ça sur la pelouse. Alors le DRH fait une enquête, il cherche, il trouve pas. Et 15 jours après, il dit alors, ben on a des pistes, mais ça avance. Bon, voilà. Alors dépêchez-vous. Alors 15 jours plus tard, et ça y est, on sait. Ah. Alors il dit bon, réellement qui c'est? On ne sait pas, mais on a reconnu l'écriture de votre femme. J'ai pas compris. Et c'était quoi le début ? Vraiment coupé celle-là, au moins. Bon. Merci. Ah, t'as des nouvelles de Séraphine ? Ah, oui, alors là, sans filer, il est 2h du matin, j'attends ce connard de mari, mais qu'est-ce qu'il fout ? Je vais pas passer la soirée avec le boubou, je veux le retirer quand il arrive, c'est pas vrai, ça ? Pendant ce temps, dans un petit bar de Ouagadougou. Oh, oui, je reprends encore un verre, vas-y, reçois à moi, c'était bon. Dans National Hebdo. Quel heure est-il ? Bah, il est 2h du matin. Oh ! Putain, 2h du matin, il faut que je rentre chez moi avant train terre. Il y a Séraphine qui doit m'attendre. Il file en taxi. Attends, avant de partir, je vais te donner un petit conseil. Une technique infaillible pour pas que te faire engueuler. Oui, je t'écoute. Alors, tu rentres discrètement, sans faire un bruit. Une fois dans la chambre, tu te glisses sous les couvertures et tu lui fais l'amour toute la nuit. Rassuré, tu verras, il n'y aura pas de problème. L'autre, il rentre ventre à terre chez lui. Il se glisse, il applique la méthode, hein. Pas un bruit. Il prend les draps. Et c'est une petite odeur. C'est ocre. Oui. Il se met sous les draps. Il commence à caresser sa femme. En quelques secondes, bien sûr, ça devient très chaud. Et hop. Alors, il n'y a que le bruitage parce qu'on ne va pas dire ce qu'ils se font. Hein. Ah bah oui. Merci. Là, ça y est. Il a envoyé son coup, il est content. Il dit ça, oh, elle est satisfaite, là, je suis sûr. Bon. Il dit, je vais me prendre une petite douche maintenant. Et donc, il sort, il va dans la salle de bain. Il rentre dans la salle de bain. Oh, mais Séraphine, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fais là? Je t'attends depuis 3h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Mais en plus, mais pourquoi tu chuchotes comme ça? Je chuchote parce qu'il y a ma mère qui dort dans notre lit. Sacré Séraphine. Là, c'est distingué. Parfait. Bien, alors, après cette histoire édifiante, je me prépare... C'est du vécu, hein. Je me prépare à prendre le plus beau beat de l'histoire de On va se marrer. Bah, tu l'as déjà. Hein. Profites-en. Alors voilà. Cette espèce de connard là qui présente l'émission, dès qu'on se fout de mon physique, il est content. Ah non, pas du tout. Tu veux qu'on parle de ton nez, toi ? Non, pas du tout. Bon alors. Il me faut bien rire, moi, les mecs de chez McDonald's. Monsieur, que tu regardes avec eux, ça a marché. Les billets de 500 euros ne sont pas acceptés. Franchement, si j'avais un billet de 500 euros, tu crois que j'irais chez McDo? Ouais, je vous l'avais dit, c'était le plus mobile de l'histoire. Voilà. La non, blague vous, de Thibaut Marchand. C'est pour vous préparer le terrain, les gars, comme ça. Après, oui, c'est ouais, pour l'instant, la mienne était la mieux. Alors, c'est dire. Alors, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est deux snipers qui sont engagés pour buter Hitler. Alors on leur dit, voilà, Hitler va monter à son nid d'aigle, je sais pas quoi. Il passe là tous les soirs à 21h. Donc demain, vous allez sur la colline et vous me le butez, ce fumier. Donc les deux snipers vont sur la colline, ils posent leur arme et tout, ils y vont à 19h, ils attendent. 21h, Hitler passe pas, ils font putain, il est toujours pas passé ce connard. 22h, toujours personne. 23h, toujours personne. Minuit, toujours personne. Et au bout d'un moment, il y a le sniper qui se tourne vers son pote, il fait putain, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Hein. Il y a beaucoup de virages pour arriver au Nindaigle. Arnaud Laurent. Oui, alors ça se passe dans une école de kamikaze. Et l'instructeur dit, regardez bien, je vais le faire qu'une seule fois. Alors maintenant, la blague de Clément Filuzo. Filuzo. Oui. Alors, c'est dans une famille bourgeoise où le monsieur et la madame, en fait, sont un peu gênés par le mot faire l'amour, donc ils ne disent pas, ils disent à la place faire la machine à laver. Ça peut arriver. Hein. Et donc, le mari, un soir, il rentre du boulot, il a un petit peu envie, il est bien chaud, là, il regarde sa femme, il fait chérie, écoute, on fait une machine à laver, allez, on y va, quoi. Elle fait non, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'en ai de merde, pas envie. Ok, bon, il revient 10 minutes plus tard, allez, chérie, quoi, là, c'est bon, t'as été reposé, machine à laver, quoi. Non, j'ai pas envie. Bon, il essaie encore une heure plus tard, chérie, machine à laver. Il fait non, excuse-moi, j'ai pas envie. Bon. Et au bout de 2 heures, c'est la femme qui revient, il fait allez, ok, d'accord, chérie, vas-y, j'ai envie. Maintenant, on fait la machine à laver. Et lui, il fait c'est trop tard, là, je l'ai faite à la main. Bon, eh bien, maintenant qu'on a eu cette mise en bouche. J'espère que c'est pas un nettoyage à sec. On a eu cette mise en bouche. Nous allons marquer une très courte pause et revenir juste après avec une épreuve. Ah. C'est l'épreuve tragique du trivial. Je croyais que t'allais chanter. Et restez avec nous, on revient avec l'équipe de... Bon anniversaire ou pas. Bravo. Retour, on va se marrer. Ouais. Avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. Ouais. Arnaud, donc, première pièce ou... Non, j'en ai fait pas mal de, quand même déjà, puisque ça fait quand même une dizaine d'années, à peu près un peu moins que je fais du théâtre. Mm-hmm. Voilà, donc, t'as commencé à 3 ans. J'en ai pas l'air, mais j'ai 31 ans quand même. Ouais, je suis vieux. Pardon pour les plus vieux. Oui. Il est plus vieux que moi. Les vrais vieux. Et on dira pas qui j'ai regardé en le disant. Et donc voilà. Donc j'ai fait pas mal de pièces avant et puis maintenant donc il y a les pièces avec Thibaut notamment et puis je fais surtout beaucoup de doublage aussi aujourd'hui. Alors du double qui ? Du doublage. Sur l'autoroute. Je double les gens sur l'autoroute, je fais le tour du périph' et puis voilà. Notamment, pas mal dans les dessins animés, il y a un dessin animé qui s'appelle Fairy Tail, voilà, donc je double le héros qui s'appelle Natsu. Et sinon, il y a une série là qui commence à marcher en ce moment sur W9 qui s'appelle Les Agents du Shield, tous les mercredis soirs. Ah oui. Voilà, et je fais un des agents principaux, voilà. Ah, bah, très bien. Bon, voilà. Bon, t'as de la voix donc. J'ai de la voix. Voilà. Parfait. Merci. Ouais. Et un peu de pognon, ça dépend des moments. Bon alors, Clément, on va parler avec toi après, mais avant cela, chaque semaine, je tire au hasard. Voilà. Ça fait des années qu'il tire au hasard. 2 cartes dans le boîtier du trivial. 6 questions par carte. Oui, mais les invités la connaissent. Je la fais toutes les semaines, mais les invités la connaissent pas. Me fait pas ses yeux. Ça veut dire qu'ils écoutent jamais, quoi. Oui, voilà. Bah oui, mais écoute. Donc 6 questions par carte. Il y a encore 2 jours, ils savaient pas qu'on existait. Donc. Une carte par équipe. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions pour faire marquer un maximum de ça points. Va toi, sinon, Fabien. À son équipe. Ouais. Non, mais écoutez bien l'explication, c'est comment important. Ah, mais nous, on la connaît. Oui, oui. Mais eux, non. Oui. Non, mais on va répondre. Alors, vous avez le droit, chaque fois, de vous consulter. Mais si toutefois vous connaissez la réponse sans vous consulter, on dit cash. Cash. Et vous donnez la bonne réponse. D'accord. Et dans ces cas-là, ça fait marquer 2 points à votre équipe. D'accord. Sinon, dans chaque partie, vous avez également le droit à un joker téléphone. Si vous échouez à une réponse, vous ne savez pas répondre, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez nous proposer d'appeler un de vos amis en direct. Tout à fait possible. Qui vous permettra, s'il donne la bonne réponse, de vous faire marquer 2 points. T'as oublié de dire que si l'équipe répondait mal, l'équipe d'en face peut jouer. Oui, on n'est pas encore là. Oui, effectivement, si vous échouez ou si vous répondez mal, l'équipe adverse peut répondre à votre place et vous piquer le point. Bob. C'est vachement compliqué. Oui. Non, c'est très simple. Bob, tu choisis la 1 ou la 2. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut choisir la bonne vachette. voilà. Pour aller au centre de... Parce que c'est en fait, c'est un mélange d'Interville, de Qui veut gagner des millions et Jeu de la Guy. La Une. Oui. Et donc, comme c'est ton équipe qui est menée, du coup... Tu peux y aller. Je commence par l'équipe des vieilles mouches. Parce que c'est leur équipe qui est menée. Donc, je commence toujours... Ouais, c'est les vieilles mouches. Alors, attention, c'est parti. Et en voyant Bob et Maurice, ça va être bientôt les vieilles couches. Ah, moi, j'ai des actions chez Pampers. Donc comment s'appelle la dame aux camélias de Dumas? Quatre propositions. Marguerite Hugo, Marguerite Gautier, Marguerite Nerval ou Marguerite Duplessis. Alors, je crois que... Gautier, la Marguerite. Direct. Ah oui, oui. Deux points. Bravo. Bob, là. Non, c'est vrai. Non. Bravo. Moi, je savais que c'était le prénom Marguerite, mais après, voilà. Pareil. Là, Bob, pareil, est très fort, normalement. Tout ce qui concerne les planètes. Quelle est la seule planète du système solaire dont le nom ne dérive pas de la, de la mythologie grecque et latine? D'Uranus. Non, oui, c'est presque ça. C'est Uranus. Cache. Hein. Oui. Non. Donc, je me tourne vers vous maintenant. La seule planète ni du grec, système ni solaire. Ni grecque, ni latine. Voilà, ni mythologie grecque, ni latine. Donc, ça, c'est pas Mercure, non. C'est pas Jupiter. Non, c'est pas Mars non plus, c'est sûr. C'est pas Mars non plus. La Lune, c'est pas une planète. C'est pas Pluton. Pas Pluton. Je crois pas. Moi, j'aurais dit la Terre, mais je. Saturne Mercure. Non, Mercure. Saturne. Non, Mercure aussi, c'est celui qui a les ailes. Ouais. Saturne. Saturne. Moi, je vous laisse faire là, moi. Mais la Terre. Ah, la Terre, peut-être. Oui. Ah bah oui. il est bon. Hein. Ah, mais oui, mais c'est pas bête. Bah oui, nous disons. Il y a un piège à conde, en façon, dans ta question. Il y a un piège à la conde. On dit ça, hein. Allez, on dit ça. Oui. Moi, je dis ça. La Terre. Oui. La Terre. Bonne réponse. Bravo. Eh oui. Bravo. Ah là. Bravo. Ah, oui. C'est pas con, hein. Bravo, Arnaud. Il y en a là-haut. Il y en a. Il y a des cheveux, mais il y a des trucs. Quel nom, Bob, a été donné à la flotte envoyée en Angleterre par Philippe II d'Espagne pour venger la mort de Marie Stuart? Ah, mais si c'est pas compris le début de la si c'est de la flotte, Fabrice, il saura pas. Le nom de la flotte. Ah, la nom de la flotte espagnole. Oui. Non, alors c'est pas Kézak, c'est pas. Ah, je l'ai. Demande à Maurice, il parle pas couramment espagnol. Si je le fais, c'est cash, mais. Ah bon. Bah, consulte alors si tu sais. Oui. On se consulte. Oui. Je l'ai vu, il y a pas. C'est la grande quelque chose. La grande armada. Ou l'armada. Oui, je vais l'apprendre parce que c'est qui, effectivement l'armada. Ça sera bien la première fois. Une bonne réponse qui aurait pu être cash, mais. Ça me revenait pas. Il a été obligé de consulter Maurice. Ouais, consulte souvent. Quel nom c'est les con, Alpes. C'est con parce que Thibaut avait la bonne réponse, mais c'était pas cette question-là. Yeah. Quel nom les alpinistes donnent-ils généralement au sommet appelé Dapsang? Maurice, toi qui fais tu fais pas d'escalade des fois? Non. Je descends toujours, je monte jamais. Et c'est nous qui allons descendre bientôt. Alors, un sommet qui s'appelle Dapsang. Les alpinistes l'appellent autrement. Il a un petit nom, ce sommet. Enfin, c'est pas en vrai. C'est un sommet français. Je pense que ça en Himalaya. C'est pas en France. Non. Dapsang, c'est Daft Punk. Vu le nom, ça a l'air d'être en Himalaya. Alors, Himalaya, là. Non, l'Himalaya, ce n'est pas un sommet. Non, mais c'est dans une chaîne de montagnes. C'est dans cette chaîne. Par contre, ta connerie, oui, c'est un sommet. Ah oui, on peut lui demander. C'est dans l'Himalaya. Ah non, mais je ne peux pas donner toutes les réponses non plus, parce que là, c'est. Alors. Dapsang, c'est un nom. Disons, on peut donner le toit du monde. À mon avis, ça vient d'Asie. L'Everest. Ça va être dans l'Himalaya, c'est l'Everest ou le K2 pour moi. Oui. Il y a plus personne qui écoute, mais autant donner l'Everest. Il n'y a plus personne qui écoute. Ouais. Autant donner l'Everest. Oui, celui que t'as dit. On va donner ça, l'Everest. L'Everest, eh bien non. Non, moi j'aurais dit le K2, moi. Moi j'aurais dit le G7. Non, ça c'est les taxis, ça. Touché. Oui, coulé. Je crois qu'Arnaud a la réponse. Moi j'aurais dit ma bite. Ça vaut un point. Ah oui. Ah, il faut de l'oxygène pour ça. Non, ça c'est du fist. Ça vaut. Bravo. K2. K2, ça fait un point. Alors que Jérémy l'a dit. Écoutez Jérémy un peu. Jérémy l'a dit. Ouais. Oui, mais il l'a pas dit en faisant une imitation, donc personne l'a entendu. Bah oui, mais c'est ça. Qui était sélectionneur de l'équipe de France de foot pour l'Euro 2000? Bob, t'es sportif, toi, pour toi. C'est Jérémy. Je dirais les joueurs et mes jaquets. Non. Bah, je sais pas, moi. Là, je sais pas, je prends. Laurent Blanc. Non, en 2000 pas... bon, alors la réponse. Allez, aimer Jacquet, allez. On va dire aimer Jacquet. Oui. Non. Les gars, c'était pas le fils de Georgette si le il me semble, mais je me souviens plus de son nom. Roger Le Maire. Oui, ça fait un point. Ah, voilà. Ah, ça fait pas deux points. Là. Non, un seul. Hein. Ah, d'accord. Ah non, le cash, non, parce que là, il y a eu consultation. Et enfin, quelle émission Stéphane Bern animait-il sur France Inter jusqu'en 2011 oh. Cash, les fous du roi. Le fou du roi. Deux points, eh bien. Il a dilé. Ah, il a dilé, on est. En fait, vous... Oui. Oh. Vous dites ça parce qu'il a une tête de drogué. Bien joué, hein. Bien. Non, là, bien joué. Non, là. Donc, le problème, c'est, les gars, c'est qu'à chaque fois, il y a une carte plutôt facile et une carte très difficile. Là, moi, j'ai trouvé que leur carte était plutôt facile. Ah. Donc, ça sent mauvais pour nous. Après. Et vous allez morfler sur les réponses. Oui. Et je précise quand même. Jean Lefèvre, Marc Villalonga. Personne n'a utilisé le joker téléphone. Hein, là, bah, je ne peux pas l'utiliser toutes les semaines. Ma cousine, elle va râler. Au parce que Bob n'a qu'un seul appel, c'est sa cousine et son cousin. En fait, il n'a qu'un seul contact. Mais oui, j'ai qu'un contact. J'ai un téléphone. Avec... Dans mon répertoire, j'ai un numéro de téléphone. Tu sais qu'on enregistre une émission. Celui de ma cousine oui. Et le mien, parce que je ne m'en souviens jamais. Et tu t'appelles des fois? Ça m'arrive, oui. Oui, mais il répond jamais. Il y en a encore l'autre con. Bon, allez, on va marquer une très courte pause. Oui, comme oui. Et juste après, eh bien, ça sera votre carte, hein, bien entendu, puisque c'est à vous de jouer. Donc, on revient avec l'équipe. Ah. L'équipe bon anniversaire ou pas. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. Ouais. Clément, avec qui on n'a pas encore parlé depuis le début de la soirée. Non, effectivement. Voilà, alors Clément, donc... Et ça s'est coupé au montage, d'ailleurs. Non. Enfin, ça dépend ce qu'il va nous raconter, mais bon. Clément, donc, c'est pas ta première expérience non plus. Non plus, ça fait quelques années. Tu parles de théâtre. Je parle pas de la soirée avec Maurice, je parle du théâtre. Ça, c'était ma... Non, là, c'est pas ma première expérience, effectivement, ça fait quelques années que je fais du théâtre. Bah, j'ai joué avant dans l'autre pièce qu'avait mise en scène Léa Marciano, qui était Meurtre à Cripple Creek, qui s'est terminé à la fin du mois de mars. Là, en ce moment, je joue au théâtre Les Blancs Manteaux dans adopteunboulet.com de Marjorie Falluzzi. L'un comme l'autre, enfin les trois, hein, vous êtes quand même très, très branché comédie, vous aimez faire rire. Ouais. Oui. Oui. Oui, non, j'adore. Globalement, faire rire, oui, on s'en rend compte. Vous voulez les emballer ou quoi? Oui. Pourtant, on n'est pas drôle du tout dans la vie. Hein, on est des ordures. Ah oui, hein. Oui. Les fumiers. Bon, alors, on va voir si vous arrivez à rattraper. Si, je peux dire juste un petit. Bien sûr. Une petite anecdote gentillette. Oui. Sur toi. Ah merde. Non, c'est qu'il y a quelques années, j'avais arrêté de faire des spectacles pendant un petit moment. Ah bon? Et quand à l'époque. Parce que t'as envie. Et quand j'ai recommencé à faire des spectacles. J'ai commencé, je suis passé sur un plateau qui s'appelait les Bouts de Chaux. Et l'un des, il y avait deux présentateurs de spectacle. Il y avait Nicolas Lobet, qu'on a reçu il y a quelques années ici pour son macho. Et l'autre présentateur, qui était tout petit, tout jeune, tout gamin, c'était Thibaut Marchand. Qui est là. Ah, voilà. J'avais pas de barbe encore. Non, t'avais pas de poils du tout. Bah voilà, du coup. Ouais. Ah, comment tu sais ça qu'il avait pas de poils du tout? Bah parce que on se voit en coulisses. Et ce plateau, alors comment ça s'est passé? Parce que maintenant t'es passé des plateaux au bout de chou au plateau. Non, au bout de chou, pas au bout de chou. Ah, au bout de chou. Pardon, je vais aller au plateau. Ouais, passé chez Michou. Non, maintenant c'est les plateaux chez Flunch. Ah, quelle est bonne, connard. Bon, votre carte est là. Ouais. Oui. Donc c'est tu comme peux tout la à mettre l'heure. Ta carte. C'est comme tout à l'heure. On ne la choisit pas. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre joker téléphone. Oui. L'autre équipe aussi, d'ailleurs. Hein. Vous avez des idées qui appelaient ? On ne sait jamais. Ouais. Attention, c'est parti. Quel opéra a été construit par le Danois Jørn Utzon ? Michel Galabru. L'opéra de Shanghai, l'opéra de Sydney, l'opéra de Dubaï ou l'opéra de New York ? Alors je suis pas branché opéra moi, ni architecture. Non, on est mort. Non plus. C'est nouveau, c'est l'Eric. Comment tu l'appelles? Je l'appelle Jørn Utzon. Moi je dirais. Sinon ça vous embête pas qu'on parle aussi? Non. Non, vous le dites. Moi je dirais celui de Dubaï. Écoute, alors, comme je n'en sais absolument rien, je t'en rassure, moi, vous n'avez personne branché architecture dans vos connaissances. Je te rassure, moi, pas du tout. Non, on connaît des gens normaux, nous. On connaît que des intermittents, nous. Mais comme ça, on pourrait dire que c'est pas notre faute si on a perdu. Voilà, donc on va suivre et on va te taper. Oui. C'est pas la bonne réponse. On est trois. Dubaï. D'accord, Dubaï alors. Alors, Dubaï, non. Non. Ah, voilà. Merci voilà. Frédéric, quel con celui-là. Je vous ai dit, il fallait se mettre en face. Et maintenant, ce qui est dit, vous vous tapez Coster. Alors, il reste. Vu le nom. Shanghai, Sydney et New York. Et alors, Cash, Sydney. Mais non, pas Cash, il est con celui-là. Maurice dit Sydney. Tu le suis ou pas, Bob? Oui, je suis. Alors, ça fait un point. Alors, merci, Frédéric. Je le savais en plus. Hein. Eh oui. Quand il met son casque, celui-là. Alors, dans quelle partie du corps trouve-t-on le métacarpe? Bah, refais-la, vas-y. Dans ma bite, c'est voilà. Ça que j'allais dire. Non, mais là, j'allais dire la réponse à raison. J'ai un doute. Ah. C'est soit dans le pied ou dans la main. Ah, parce qu'il y a les tarses, il y a les métatarses et métacarpes. Donc, je crois que c'est un Pokémon pour moi. Mais Je dirais. C'est con parce qu'il aurait pu faire un cache. Voilà. Je dirais, moi, je dirais la main. Alors, tu nous consultes ou tu dis cache? Si, vous êtes consulté. La part du corps où on trouve le métacarpe. Oui, la main. La main, je dirais la main. Je crois que c'est dans une chanson de Goldman d'ailleurs. Ah, c'est possible, c'est possible. Ah oui, exact. Oui, la chanson Nos Mains. Justement, qui s'appelle Nos Mains. J'ai pas lu qu'elle a écrite alors. Alors, un point. Ah là, merci Arnaud. Bravo, j'en prie. Bravo. Ah oui, bravo. En quelle année l'esclavage a-t-il été aboli en France? Ah, en France. 1830, 1848, 1870. 1898. Pourquoi il n'y aura pas été je dirais. Alors. Quelqu'un a une idée Quelqu'un de la famille qui est encore vivant qui Je sais. Faire. Quelqu'un un noir dans son entourage. Frédéric sait. Nous aussi, on sait. Hein. Je sais. C'est une des quatre. Moi, je dirais la dernière. Je sais pas pourquoi. Elle me parle, la dernière. 1898. Ouais. Ouais. Il y a 1830, 1848, 1870 de toute façon, on a perdu, ou 1898. Allez, 1898. Non. Voilà. Ah, alors, je l'avais dit. 1830, c'est le début de la monarchie de Juillet. Bah oui, t'étais là. Et 1848, c'est la fin de la monarchie de Juillet et l'abolition de l'esclavage. 48. Bonne réponse. Bravo. Oh là là. Non, mais là, il y a du niveau. Alors là. Nous, on a la carte de merde. C'est en fait. Dans le studio, là. Hein. Alors là, il y a une question. Ah, mais c'est du vécu, ouais. Il y a une question facile, mais qui est une question piège. Oh là. Ah. Quelle est la capitale de la Turquie? Projet de mer? Cache. Ankara. Deux pas, points. C'est pas un piège du bien tout. Bien vu. Oh si, parce que. Il y a litige quand même, il a donné une réponse, donc le cache, c'est pas trop. Non, mais. On était là. C'était pour faire le show, hein. Parce que. Ankara, 2 points. Yes. Dans quel sport, il y a les sportifs. Oh, je suis fatigué. Dans quel sport utilise-t-on les verbes affaler, border, choquer ou empanner? La sieste. Attention, parce que sinon tu vas nous niquer notre cache. Hein. T'as dit cache là? Non, on n'a pas dit cache. Non. Affaler, border, choquer ou empaler. Empanner, pardon. Ne nous regardez pas. Sur affaler, j'aurais bien dit la sieste. Non, regardez pas. Ne me regardez pas, sinon ça va pas faire un cache. Tu l'as pas. Non, on l'a pas, de toute façon, on va faire construction. Non, j'ai l'idée. J'ai l'idée, mais j'ai peur de dire de conneries. Empalé, ça, tu sais, ça par cœur. Un cheval. Tu l'as pas. Non, je sais pas. Non, mais lui, il l'a. Ah ouais, il a fait un cache. Tu crois? Un cheval. Moi, je veux bien le tenter. Moi, j'aurais dit l'escrime. Cache, l'escrime. Non. Non. Ah putain, quel la voix. Bonne réponse de Bob. Oh la vache. La voile. Je m'en doutais, j'ai failli dire. C'est pas un sport, la voile. C'est un bateau. Attends, non, mais les régates. Ouais, d'accord. Et enfin. Oui, non, mais c'est vrai que. Alors, c'est vrai que Maurice, lui, connaît plutôt la vapeur. Ouais. Je vous rassure, je pense que Fred va faire un cache. Ah, il va faire un cache-cache nerveux. Sous quel nom Claude Dautel était-il mieux connu? Cache, c'est Jérôme. Jérôme, il est mort. Ah non, là. Il habitait où? À Boulogne-Billancourt. Voilà, exactement. Et il avait une grosse Rolls. Ah ouais ? Voilà. Oui, parce que j'habitais à Boulogne-Billancourt aussi et je l'ai vu passer plusieurs fois. Ah, ah ouais. Mais tu as une vie passionnante. Quand même. Mais t'imagines même pas. Alors. Oui, donc, parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs, oui. que ce qu'ils n'entendent pas, c'est ce que le réalisateur nous dit dans le casque. C'est vrai. Ce petit enfoiré. Donc, je vais faire les totos. Oui, non, c'est pas la peine. Mais vous aussi, car dans quelques instants, nous allons faire une nouvelle tournée de blagues. Donc, restez avec blague nous. À oui, blague excellent. À Toto. Excellent. Ah, oui. Retour à Bob. Oui, allez. On se retrouve dans quelques instants avec. Bon anniversaire ou pas ? Ah oui. Ah, avec toute l'équipe. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. En fait, vous vous êtes tous rencontrés un petit peu à l'occasion de One Man, à l'occasion de ce comment la rencontre s'est faite en fait. Alors Clément, c'est sur audition. Ouais. Et Arnaud, on s'est... nous on s'était rencontrés effectivement, c'était au théâtre Le Bout la première fois qu'on s'est vu. Théâtre Le Bout, hein. Et oui. Ouais. Voilà. Dans le bac. Voilà. Oui, non, enfin, oui. Ça, qu'est-ce qu'il clair. A de spécial, ce théâtre Lumon? Non, rien. Ah, non, on jouait notre. J'étais sur un plateau d'humoriste. On jouait avec leur bout. À l'époque, voilà entre autres. Et ils jouaient après nous une pièce de théâtre, je crois. Voilà, tout à fait. Oui. Où on a rencontré Léa également. Léa Marciano, la metteuse en scène. Très bien. Bon. Alors, dans l'émission, on a Jérémy chaque semaine qui nous fait part de l'actualité. Une actualité quelquefois dramatique, mais pas toujours. Car cette semaine, on commence par une incroyable découverte. Au large de la Namibie, l'équivalent de 50 millions de dollars en pièces d'argent ont été retrouvés dans une épave par une équipe française. Et nous avons le plaisir d'avoir en studio un membre de cette équipe. Oui, bonjour. Mais Jean-François Copé ? Oui. Vous n'allez quand même pas nous faire croire que c'est vous qui avez trouvé ce trésor ? Écoutez... Je ne vois pas où est le problème. Après tout, je fais des fausses factures. Je peux très bien faire des fausses preuves. Et regardez, là j'ai la fausse preuve comme quoi ces pièces d'argent appartiennent à Big Malion. Ah. D'ailleurs, je ne vous dis pas à quel point ils étaient contents de les retrouver. Hein. Une polémique a agité l'après-élection avec la sortie de Jean-Marie Le Pen à propos des chambres à gaz et son souhait de se présenter au régional en PACA. Marine Le Pen, ce feuilleton est maintenant terminé. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, j'ai dû recadrer papa. Il l'a vu du mauvais œil. Oui. Mais tout est réglé maintenant. C'est Marion, maréchal Le Pen, qui se présentera à sa place. Quant à son comportement, je lui ai demandé d'arrêter de défiler dans les couloirs du FN avec son costume de la Wehrmacht et son casque à poing. Voilà, c'était plus possible. D'ailleurs, j'ai fait une erreur en lui achetant ce costume à Noël. Ah. Oui. Bah. Alors, une autre personnalité a souhaité réagir et c'est un ancien ministre, Arnaud Montebourg. Salut. Comment allez-vous? Ah, écoutez, moi j'ai la patate. Depuis que je travaille chez Habitat, la vie me sourit. Ah oui. Ah, c'est vrai que vous faites partie du conseil d'administration des magasins Habitat et aussi administrateur de Talent, une société d'informatique. Oui, oui, tout à fait. Heureusement que je m'oppose farouchement au cumul des mandats. Mais je tiens quand même à rappeler que si je fais toutes ces tâches, c'est quand même que j'ai le niveau nécessaire pour les accomplir. J'ai quand même suivi des études pendant 3 semaines. Oui, alors après votre départ du gouvernement, vous avez repris les études, il était temps, oui, mais vous vouliez nous parler des élections. Oui, ah oui, la branlée. Ah la branlée, ah la branlée. Franchement, je suis content de ne plus y être au gouvernement. Mais bon, j'ai quand même surtout un message d'espoir à délivrer à tous les chômeurs. Vous qui n'avez pas de travail, devenez ministre. C'est à la portée de n'importe qui, même du plus incompétent. Oui, et croyez-moi, après avoir été ministre, vous n'aurez aucun problème à trouver un job. Moi, en 2 semaines, j'ai trouvé 2 jobs, après 3 semaines d'études. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Donc devenez ministre. En plus, avec la branlée qu'on vient d'avoir, il y a peut-être des postes à pourvoir bientôt. Alors pour terminer cette chronique, Le médecin le plus célèbre du PAF, Michel Simès, vient nous délivrer le programme de sa prochaine émission. Bonne annonce. Eh oui, bonjour à tous, bonjour Marina. Aujourd'hui, dans le Mac de la Santé, nous reviendrons sur le Doliprane qui ne soigne pas contre le cancer. Nous ouvrirons aussi une page spéciale, et ce, comme tous les jours, sur mon sujet préféré, la masturbation. Et enfin, avec notre chroniqueur Maurice, nous reviendrons sur cette nouvelle pratique sexuelle de la part des seniors. Je veux bien évidemment parler de la coloscopie. Une chronique de Maurice qui restera dans les annales. C'était pas une émission de Jacques Chancel ? Oui, mais non, mais c'est parce que c'est en référence à Maurice dans une de ses dernières photos mystères dans l'émission, qui à un moment devait faire, donc il a une photo, il doit faire découvrir ce qu'il y a dessus, et à un moment il a parlé de jeux, ou je sais plus ce que t'as raconté comme connerie Maurice, à propos de la coloscopie, où les gens t'ont demandé si ça pouvait être un jeu, et t'as dit oui. Je ne me souviens plus. Ouais, on n'a pas les images ici, mais on les repassera à l'occasion. Par contre, les images à la radio, c'est nécessaire. Oui. Par contre, on va remercier encore Jérémy qui écrit les textes et les interprète en direct sans filet. Merci, merci. L'histoire se passe dans la capitale irlandaise. Non. Irlandaise. Non. Is. Ah, Is. Oh là là. Possible. Je recommence. C'est quoi la capitale d'Irlande ? On s'en fout. L'histoire se passe dans la capitale irlandaise. Non ! Non ! Oh ! Mais c'est pas. Mais tu vas te la. Hey, ma main sur la gueule, tu vas te la prendre pour de bon, hein ? C'est pour ça que je me mets loin de toi. Une histoire se passe. Excuse-moi, Blandine, cette violence. Oui, oui. Mais moi, j'en peux plus. Exactement. Alors, recommence, s'il te plaît. Alors. L'histoire se passe dans la capitale irlandaise. Oh mais découpe le truc. Non. Faut lui écrire plus gros. Alors, l'histoire se passe dans la capitale islandaise. Voilà. Bon alors, maintenant que tu arrives, maintenant que tu arrives, tu la reprends au début et correctement. Voilà. L'histoire se passe dans la capitale islandaise. Quand tu penses. On rêve. Alors, vas-y, fais-la pour de bon là. Parce alors, qu'on va... L'histoire se passe dans la capitale irlandaise. Islandaise. Islandaise, oui. Pourquoi tu dirais pas. Alors, l'histoire se passe en Islande. Ah oui, c'est. Non, c'est une bonne idée. C'est mieux. C'est mieux. Non, il va dire Irlande. L'histoire se passe en Irlande. On va essayer, Guillaume. Islande, on va essayer. Islande. L'histoire se passe dans la capitale d'Islande. Bien. Ah. Reykjavik. Non. Oh les enfoirés. Tu vas m'emmerder longtemps. Ça se dit Reykjavik. Reykjavik. Ça se dit. Reykjavik. Non, Reykjavik. Reykjavik. Reykjavik. Oh merde. Excuse-moi. On l'aura jamais la blague. Non. Attends, c'est parce qu'il a pas eu son sponsor, c'est pour ça. Maurice, attends Reykjavik. Deux secondes. Répète-la bien, on te met ton sponsor. On te met ton sponsor. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Voilà, allez, vas-y, Maurice. On va appeler Fabrice Roux pour savoir s'il n'y a pas une soirée pour toi à l'archipel aussi. Avec juste cette blague. Oui, ah bah il te fait deux heures. Voilà, ouais, c'est bien, remarque, parce qu'on a, on a le temps de répondre à nos textes. L'histoire. Allez, alors, allez, bon, l'histoire se passe dans la capitale irlandaise. Ah non! Comment ça fait Dublin, allez hop. Commence à faire réchauffer le cassoulet, j'arrive. Il n'y arrivera pas. Laissez-le en Irlande. L'histoire se passe dans la capitale islandaise. Voilà. Reykjavik. Non, Reykjavik, c'était en Allemagne dans les années 40. Mais on s'en fout. Allez. On inaugure la statue du maire. Oui. Qui s'appelle ? On ne sait pas encore. Oh là là. C'est tout à fait lui, dit un des adjoints. Mais pourquoi a-t-il un... Oh là là. Oui. Et pourtant, ce n'est pas la partie la plus dure de l'histoire. Non. C'est tout à fait lui, dit un adjoint. Mais pourquoi a-t-il une jeune fille sur les genoux dont il pelote les fesses ? Ah. Le sculpteur répond, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lui faire patienter pendant la séance de pause. Ah, elle est bonne. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. Alors, vous avez fait chauffer vos blagues. Elles arrivent juste après cette courte pause. Restez avec nous. On revient avec Arnaud, Clément et Thibault. Ouais. Retour dans Basse-Marais avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. Non mais de toute façon, les garçons en face, je ne parle pas pour Jérémy et Fabrice, mais pour ce qui est des deux autres, vous ne craignez rien, il y en a un qui ne s'intéresse pas et l'autre qui ne peut plus. Voilà. Bon alors, je pense qu'il est temps d'envoyer. Et c'est une vanne qui marche aussi quand on a des filles. Oui, oui bien sûr. La nouvelle tournée de blagues. Comment tournée de blagues. Ah, mais c'est ton émission, tu fais ce que tu veux. Bon, c'est parti. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, une nouvelle fava, une nouvelle blague de fava. Oh là là, les viticulteurs te saluent. Et t'emmerdes, visiblement. Ouais. Alors, c'est un plongeur en bouteille qui est en train de contempler la faune sous-marine. Ah. Mais arrête de parler de toi. C'était tout la blague en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Il va passer une morue. Salut Fabrice. Il est à deux doigts de quitter le studio. Non, je fais une pause pour le montage. Il est à moins 15 mètres lorsqu'il remarque un gars à côté de lui en apnée. Merci pour les bruitages. Aucune bouteille d'air, quoi que ce soit de l'équipement du plongeur traditionnel. C'est bizarre. Alors, le plongeur en bouteille descend jusqu'à 20 mètres et se fait rapidement rejoindre par ce plongeur qui est en apnée toujours. Mmh. Il est un petit peu vexé, il redescend à 30 mètres. Il tente pas à voir le gars en apnée se rapprocher de lui. Et il saisit son crayon, sa tablette et écrit dessus « Mais qu'est-ce que vous foutez si bas sans équipement ?» Bah, l'autre lui répond « Je me noie, connard !» Il aurait pris une bouteille. Alors, Jérémy. En route vers les vacances, un couple de Belges s'arrête sur l'autoroute après avoir aperçu un barbecue qui semblait avoir été oublié et donc le récupère. Après tout, ça peut servir. Et à la frontière, ils sont contrôlés par des douaniers qui leur demandent « Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ?»« Oh bah non, hein, le bronzage, on l'a sur nous. Hein, non, je ne vois pas. Est-ce que je peux vérifier votre coffre ?»« Et ça, qu'est-ce que c'est ?»« Oh bah ça, c'est un barbecue. On l'a retrouvé sur le bord de la route. » Et le douanier prend son téléphone et lance ses collègues. « Ça y est, j'ai retrouvé les cons qui ont piqué le radar. Ouais. » La blague de Maurice, un sponsor ? Bien sûr, comme d'habitude. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Tout le monde est mort de rire dans le studio. Maman, il y a un bébé qui est tombé dans la baignoire. Oh. Mais repêche-le vite, voyons. Je peux pas, l'eau est bouillante. Mais c'est une blague de Gégé, ça, ouais. D'habitude. Ma mère a eu 15 enfants. Oh. Ah, merde. Oui, parce qu'elle était sourde. C'est ah bon? Oui, parce que là... Non, c'est pas la fuite. Ouais. Ouais. En se couchant, mon père lui demandait tout le temps, « Ce soir, on dort ou quoi ?» Et ma mère répondait, « Quoi ?» Elle est bonne. Riez, c'est un pote. Un employé de la SNCF qui parle avec un de ses collègues. « Eh, dis donc, si tu savais ce qui m'est arrivé hier, c'est incroyable. »« Ah bon, bah dis-moi. » »« Ben voilà, j'inspecte les voies et tout à coup, je vois une femme ligotée sur les rails. Hein ?»« Alors, j'ai dénoué ses liens, puis je l'ai ramenée chez moi. »« Oui, alors ?»« Ben alors, je l'ai déshabillée, parce qu'elle était trempée, la pauvre fille, tu comprends ?»« Oui. » »« Et ben, je l'ai mise dans mon lit pour la réchauffer. »« Ouais, j'ai mis le chauffage. »« Je l'ai massée. Hein » »« Et puis, progressivement, tu comprends, ça a dérapé. Hein » »« Finalement, je lui ai fait l'amour toute la nuit. » »« Putain, t'as de la chance. Elle était jolie. » Ah, je sais pas, j'ai pas retrouvé la tête. Bon, foutu pour foutu. Alors, c'est un type qui arrive au paradis. Oui. Et il arrive et, donc devant Saint-Pierre et puis il voit des horloges. Et il dit, ah bah oui, mais Saint-Pierre, c'est quoi ces horloges? Alors Saint-Pierre lui dit, bah ça, c'est les horloges du mensonge, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un dit un mensonge, ça avance d'une minute. Ah, ah très bien. Et alors, vous pouvez m'en montrer quelques-unes? Bah oui, bah ça, c'est l'horloge de Mère Teresa, vous voyez qu'elle n'a pas bougé. Elle, oh. Ah, elle n'a jamais dit de mensonge, jamais. Mmh. Et la mienne. Ah bah, là, tu vois, là, c'est la tienne, puisqu'elle est avancée de 10 minutes. Mmh. Tu as dit 10 mensonges dans ta vie. Ah, d'accord. Oh, Saint-Pierre, si je peux, vous pourriez me montrer celle de François Hollande. Ah, ça, on ne peut pas, on s'en sert de ventilateur. Ah, on voit que c'est du vécu aussi. Thibaut Marchand. Oui, alors tout le monde connaît Mozart. Non. Ah merde. Oui, l'opéra rock. Ouais, Mozart était un enfant tellement précoce qu'à 34 ans, il était déjà mort. Arnaud Laurent. Oui, alors c'est une petite blague mignonne en dédicace à notre metteuse en scène, Léa Marciano. Alors, qu'est-ce qui est transparent et qui court dans la prairie? Un fantôme. Un troupeau de vitres. Voilà. Voilà, très bien. Clément Filuzo. Bon, alors moi c'est encore une histoire de couple, hein, toujours. C'est un gars qui rentre chez lui après le travail. Sa femme elle est partie en soirée avec ses amis. Et du coup, il se prend un petit plat, il se le fait réchauffer, il le mange. Après, il va pour faire de la vaisselle et puis il voit sur le post-it, il voit un petit post-it sur le lave-vaisselle. C'est marqué, c'est propre mais pas vidé. Du coup, il fait OK, d'accord, vas-y. Hop, voilà. Il met le lave-vaisselle, il le vide, il va se coucher, puis il pense à prendre le post-it et il se le met sur le front. Bon, eh bien, nous allons marquer une très courte pause. Parce que j'ai mal à la tête. Oui, revenir. Eh bien, ça va continuer, car comme il y a du monde ce soir, dans ces cas-là, il y a de l'ambiance. Je propose dans la prochaine session un blind test. Ah là là là, restez avec nous, on revient avec l'équipe de... Oh là là là là là là là là là là là là. Retour, on va se marrer. Ouais, avec ouais. Thibaut Marchand, ah, Clément Filuzo, ouais, et Arnaud Laurent. Ouais. Alors là, c'est un blind test qui rapporte des points. Ah là là, faut qu'on se rattrape. On en a besoin à la fin. Oui. Donc, nom du chanteur ou de la chanteuse, 1 point. D'accord. Titre de la chanson, 2 points. Et si on donne les deux, ça donc fait 3 points. Non, donc 3 en tout. Non, 2. N'essaye pas de m'embrouiller. 1 point par réponse. Bien sûr, c'est la première équipe qui donne la réponse, qui marque. Bob Marley. Donc vous êtes prêts pour le blind test? Mireille Mathieu. Alors c'est parti. Ici, Non. Elsa, t'en vas pas? Oui, je crois, on va vérifier. Ah, on en a bouffé de la merde par les oreilles. C'est pas mal, hein. Deuxième chanson. Donna Summer, This Time I Know It's For Real. T'as pas un Glenn Miller pour Bob? Si. On peut applaudir éventuellement? Ah, bravo! Non. Non, on applaudit pas. Oh, les moutons. Je viens de me péter un neurone là pour trouver ça. Alors, troisième chanson. C'est une chanson ça? J'entends pas très bien les paroles. Il a mis un film, je crois. Boris, c'est pas ça, c'est que... Si, ça c'est Boris, non? Non. Merde. La bonne dance. Cuir moustache. Elle sera sur scène la saison prochaine dans une les très bonne pièce. Les mecs qui sont casqués là. Non, c'est pas ça. Laurie, 1 point. Yes. Bien vu. Non, j'ai honte, mais yes. La réponse vient d'être donnée par Thibaut Marchand. Thibaut Marchand. Je quitte la pièce, Thibaut. Mais le moi aussi. Moi aussi. Et alors le titre de la chanson, oui. Ah, je sais pas par contre. Ah si. Je l'ai vu. Vas-y, assume jusqu'au bout. Hein. Dans vos attends, yeux. Laisse le refrain. Non. J'étais tellement loin, moi. Non, j'ai pas loin. Non, vous pouvez pas trouver. Alors c'est un garçon. Hein. Mais bon, bah, c'est à l'époque qu'elle disait ça, je pouvais pas trouver elle un garçon. Elle a pas dit un garçon encore. Chanson. Un point quand même. Alors, titre suivant, là je pense. Excuse-moi, mais Fabrice et Fumas. Non, mais là, il y a Maurice qui va trouver tout de suite. Ah, Maurice, cache, bleu la réponse. Bonne année, Cole. C'est Fabrice qui a donné le premier. Ah, si. Replay. Non, Maurice. Bon. Tu chantes. Oui, c'est-à-dire Maurice aussi, c'est Daddy Cool, mais ça s'écrit pas pareil. surtout que c'est du bon aidé. Oui. Bon, alors là, celle-là, elle est difficile, elle est pour Bob. Ah. Bob. Ah. C'est Cap Dorothée. C'est Désiré, Gilbert Bécaud. Oh. Bob. Gilbert, t'abuses. Ah non, j'ai rien vu. En plus, on lui met le truc. Non, le... mais j'entends, hein, je suis pas sourd. Bon, celle-là, elle est pas facile. C'est les pompiers. Ping-pong. Do you know? Do you know? Do you know? Un point pour Bob. Oh non, c'est dégueulasse. C'est Justin Bieber. Non. C'est Jason Donovan. Non. Oui, si on sort de c'est pas les Jonas Brothers sur un truc. Non. Les One Direction. Les One Direction. Non. Ah, c'est Violetta. Un espagnol. C'est ça, les Violetta, les trucs comme ça, non? Un espagnol. Non. Écoutez sa voix, mets la voix un peu. Ricky Martin. Ah non. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Bon, suivant. T'es fier, hein? Ah oui. Oh, Christophe Willem. Double jeu. Allez, pour Fabrice. Allez, on le laisse répondre. Alors Fabrice. Oh non. Maurice, t'as couché avec un des deux, je crois. C'est Wham. Un point. Comment c'est là? Yayé. Non. Bien essayé. Non, pas à chaque fois. Non. Yeah, oui, ça va. Yeah, oui, bon, c'est bon. C'est une chanson à texte, visiblement. Bon, vous n'avez pas très engagé. Vous n'avez pas trop joué le refrain, allez. Ça a l'air difficile à dire. C'est là. Bon, je me souviens plus du titre. Oh. Ah. Axel Bauer, Cargo de nuit. Non. Excusez-moi, j'ai les gaz. Ferme. Oula. Dorothée. Non. Bon, ben là, vous connaissez tout ça. Tais-toi, Fabrice n'arrive pas à se concentrer. Jackie. Oh non, vous n'allez pas me dire que vous avez pas joué. Mais si, comment il s'appelle? C'est une femme. Ah. Ah, mais oui. C'est Madonna. Non. Céline Dion. Mais personne ne connaît ça. Ah, c'est Conchita Wurst. Ah, oui. Avant, Marie Myriam. Elle s'appelle Laurine. Ah, moi je connais que Laurine, moi. Euphoria. Oula. Mais évidemment. Ah, bah enfin. Moi j'ai pas la télé, je regarde pas l'Eurovision. Bon. Allez, moi j'ai la télé, mais je regarde pas l'Eurovision. Une autre. Julien, fais-moi une place. Julien c'est Pierre. Fabrice qui l'a dit en premier. Ah bah oui. T'es plus fort sur les vieux. Sur les vieux. Braxton. Ça c'est pour Maurice. Ah. Quand même, j'aurais que Maurice donne la réponse. Là. La grande Zora. Adamo. Jeanne Mas. Presque. Le rouge et le noir. Corinne Charby. Pire. Voilà. L'ouragan, Maurice. C'est comme un ouragan, non? Écoute, non, pas comme un ouragan. Mais c'est la même. Stéphanie, ah, Monaco. Flirt. Stéphanie. Flirt. Et le, non, c'est pas flirt. Flirt. Lou. Quoi, Lou? Le titre. Quoi? Toutes ces chansons ont le même rythme. Non. C'était pas ouragan. Bon, on va arriver au refrain là. Comme un ouragan. Flash, flash. Flash pour l'amour, le jour reste pour la nuit. Flash pour l'après-midi, flash pour le matin. Bon, allez, un vieux pour Bob. Ah, encore ? Ah, mais oui. Serge Lama, oui. Un point. Sur le mur, il y avait des glissades. Non. Les ballons. Non. Le peintre. Tu vas tout faire, tu vas faire tous les métiers. Il n'y a pas sur le mur. Les glycines. Bonne réponse de Fabrice. Je savais pas que ça s'appelait les glycines. Ouais. Bon, alors là, bon, Fred va hurler, hein, je vous préviens. Ah. Ah, c'est de la soupe, ça veut dire. Bien noir, oui. Ah oui, Tina Turner, GoldenEye. Britney Spears. Tina Turner, GoldenEye. Qui a dit Britney Spears? C'est moi. C'est sa grand-mère. Mais c'est Tina Turner. GoldenEye. Ouais, ça ressemblait au DVD. Un petit dernier pour Fabrice. Ah oui, pour Fabrice. Quand même qu'il a un... Bah si, quand même. Parce que sinon, il va faire la gueule. Ils ont ses gueules aussi. Popcorn. Non, laissez Fabrice. Here comes the rain again. Un point. Eurythmics. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour gagner? Ouais. Courte pause, et juste après, c'est la surprise de Fred. Ah, chaque émission, Fred nous réserve une petite surprise. Et c'est un blind test. Et remets ton pantalon. Non, on a dit. Ah oui, alors ça, c'est une petite surprise. On revient avec l'équipe. Bon anniversaire ou pas? Retour, on va se marrer. Ouais. Avec Thibaut Marchand, Clément Filuzo et Arnaud Laurent. Ouais. Semaine, Frédéric nous prépare une petite surprise. Ben oui, un petit quiz musical qui est en général en rapport avec nos invités. Ah. Donc Maurice va se faire un plaisir de nous rappeler le titre de la pièce. Bon anniversaire ou pas? Eh bien, nous allons donc jouer avec les anniversaires. Nous allons entendre 8 extraits de chansons. Les interprètes nous parlent d'anniversaire. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de retrouver le nom des interprètes. Vous avez vos petits papiers devant vous, on va l'écouter. Vous notez les noms des interprètes que vous reconnaissez ou pas. Et puis voilà. Et après, on revient pour donner les réponses. Donc Bob, le premier extrait. Alors, le premier extrait, oui. c'est avant le deuxième. Oui. Voilà, ça va pas mieux. Ah, le jingle. Ah, merci Maurice. Bien. Que tu m'as jeté en enfer. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais je te sens nerveuse. Moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. À 5 dans la cuisine, face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, c'est mon anniversaire. Où sont les assiettes? Où sont les couverts? Ça semble pas un peu bizarre, mes frères? Et encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que tu trouves pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Tu es l'héroïne de mon roman. Joyeux anniversaire, maman. Tu es l'héroïne de mon roman. Joyeux anniversaire, maman. Tu es le... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah. Ah, ah là, il y a les 8 là. Ah, l'avant-dernière, elle est pas simple. Hein. Ah non. Alors, on fait le tour du. Alors, Thibaut. Oui. T'en as combien? J'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Oh, c'est lourd à porter. Quand même. Oui. J'en ai 7. Oh, je parle des mots trouvés. Oui. Ah, d'accord. Clément. J'en ai 9. Oh. Ah non, non, il n'y avait pas de duo là. Excellent. Bon, bah, Maurice. Maurice. On les décompose. Quand on fait comme toi, quoi. Exactement. Allez, ça se décompose. Alors, priorité aux invités. C'est les invités qui donnent les réponses. On les aide s'ils ne savent pas. Dorothée. Ah, bah oui. Ah, bah tu vois que t'as eu la télé à un moment. Oui, nous aussi. Aznavour. Ah oui. Gérard Lenormand. Bravo. Oh. Et Nicolas. Et n'oubliez pas l'anniversaire de Nicolas. Marilyn Monroe. Eh oui. Avec la, mais il faut voir surtout. Elle était complètement pété. Non, puis il faut voir l'image. Non, faut voir l'image surtout avec la robe qui a été cousue sur elle. Cinq dans la cuisine face à la barre. De son voisin. Ah, c'est génial. C'est Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien. C'est génial. Patrick Sébastien. Je vais montrer mes couilles. C'est génial. C'est génial. C'est que de l'amour. Alors la suivante. Alors Fabrice fait le malin, il dit qu'il l'a trouvé. Ah non non, j'ai dit un doute sur la. Alors Marie Laforêt. Non. Mmh. Non, c'est une actrice, c'est oui. Une chanson de film. Bah, Marie Laforêt est une actrice. C'est pas Catherine Deneuve ? Bravo Philippe. Bien joué. Oh, c'est la chanson du film, c'est une chanson du film Belle Maman. Joyeux anniversaire. Ah maintenant que tu le dis effectivement. Ouais, ouais. On reconnaît sa voix. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ah non. Ah. C'est Gilbert Montagny. Ah, Gilbert Montagny. Ah, je les confonds. C'est celle-là qu'on passe à toutes les soirées, en fait. Il y en a un qui est noir. Qui n'est absolument pas, d'ailleurs, pour célébrer un anniversaire, au départ. Ah. Un anniversaire de naissance. Ah oui. C'est pour célébrer l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Ah. Très bien. Ouais. Bon, alors là, je pense qu'on peut vraiment, sincèrement, applaudir les invités qui ont été brillants, Bob. Bravo. Oui. Bravo. Les invités sont très bien. Ah oui, non, vraiment. Les invités on a révisé. Sont très bien. Oui. Oh, hein. Hey. Oh. Et moi j'ai mangé des croûtes de fromage. Ah, excusez, j'ai oublié les acclamations de Don Salus. Ah bah quand même. Ouh. Alias Frédéric Coster. Ah. Viva Don Salus. Viva Don Salus. Oh, ferme-la. Bah, tu ne dis plus monsieur est beau, monsieur est... Ah bah, bah non, parce que je te trouve plus aussi beau qu'avant. C'est vrai. Ouais, bon. Alors par contre, tu vas te prendre un sandwich de phalange, tu vas voir. Alors Frédéric, le moment est grave. Oui. Ah. Car il faut faire. Oui, parce qu'il faut que je récupère mes stylos d'abord. Toto. Les totos. Hein. Les totos, et ça, c'est vrai que tout a basculé avec le blind test. Ah, bah oui, forcément. Oui. Ah bah. Le jour où tout a basculé, une excellente émission. Les vieilles morues. Non, les vieilles mouches, pardon. Non, mais ça marche aussi. J'arrivais pas à me relire. Les vieilles mouches. Bob Duclos, Maurice, Jérémy et Fabrice. Bon. Ouais. Non, si, si, quand même. Ça alors là, morue, hein. c'est quand même fabuleux. Ah. 16 oh, points. Oh, bravo. Espèce de faux cul, on t'en fasse. Je n'en reviens pas, oui. Attends, il peut très bien nous faire le coup qu'on est 15. Hein. Oui. Oui. Et alors, l'équipe des pétards, Frédéric, Thibault, Arnaud et Clément. Oui, oui. Mais c'est bien, devenu... c'est... Attends, attends, c'est devenu les pétasses depuis. Ah bon, ça a changé, oui. Eh bien, écoute, Bob, pour te dire, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais. Ouais. 25 points. Oh oh oh forcément. Le blind test. Merci à Fred pour le blind test. Hein, ça, c'est Laurie, ça, c'est l'effet Laurie. C'est l'effet Laurie. Ah ouais. Oui, on remarque quand même, on rappelle quand même aux auditeurs que la réponse Laurie a été trouvée par Thibaut Marchand. Ah, ouais. Ouais. Et, non. Et il l'a reconnu, mais dès la première note. Maurice. Alors, on va refaire un petit coup de promo pour nos amis quand même. C'est... Alors, y a, bon, qui était avec nous, c'est Arnaud Laurent, oui, Clément oui. Filuzzo oui, oui. Et Thibaut Marchand. Bon, alors on va aller vous applaudir. Puis on attend avec impatience que vous partiez un peu partout en France. Vous partiez de là parce que c'est vrai. Suisse, Belgique, et puis tous nos auditeurs en Guadeloupe qui vous attendent. Oui. Eh oui, pourquoi pas. Ça bah, serait oui. bien, on adore. Bah, oui, oui. Bah, vous faites-vous inviter là-bas quand même. S'ils nous écoutent, on est. Merci à Thibaut, merci, merci à Clément à et merci à Arnaud. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Bravo. On va en profiter pour remercier Frédéric, Coster, ouais, Fabrice, Jérémy, Maurice, Bob du Club, l'émission réalisée par Davy. Et animée par Pauline Carton. Elle est encore vivante. Donc l'émission sur internet c'est onvasemarrer.com. La photo c'est sur ma page Facebook et les archives pour écouter les podcasts c'est sur iTunes. Ah oui. Merci à tous. Ah oui. À la semaine prochaine. Ah oui.